Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et si vous êtes un lecteur de Québec Science, ben vous savez que chaque année, le magazine épluche les découvertes réalisées dans les centres de recherche du Québec pour établir une sélection des 10 meilleures découvertes québécoises de l'année. Donc, je vous invite à aller lire d'ailleurs sur le site de Québec Science parce que ce sont vraiment des découvertes surprenantes. Mais pour le moment, on va découvrir ensemble l'une de ces découvertes réalisées à l'INRS ETE. Elle s'intitule une batterie thermique pour les habitants du Nunavik. Elle est le fruit de la recherche du professeur Jasmin Raymond et du chercheur postdoctoral Nicolo Giordano, tous deux à l'INRS Hauterre Environnement. Et nous avons la chance d'accueillir en studio Nicolo Giordano pour nous expliquer cette découverte. Bonjour Nicolo. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors félicitations d'abord pour vos recherches et cette place parmi les 10 meilleures découvertes québécoises de l'année. C'est pas rien quand même. Non, merci. Et pour commencer, en fait, expliquez-nous un peu la problématique de l'énergie, de l'approvisionnement énergétique au Nunavik. Quelle est la source d'énergie utilisée et pourquoi est-ce qu'il faudrait chercher une alternative? Oui, ben en fait, au Nunavik, on a 14 villages qui sont habités par les Inuits et les Cris. Et tous ces villages sont déconnectés du réseau principal. Donc en fait, pour produire l'électricité et le chauffage des bâtiments, on utilise le mazout. Mm-hmm. Donc vous, comme vous pouvez comprendre, ben, ce sont des coûts très importants, des impacts environnementaux très importants. Il faut acheminer aussi déjà le diesel, le mazout, pour l'envoyer là-haut. Mais... C'est ça. Il y a aussi des problèmes du gaspillage, de déversement de ces produits dans le sol parfois. Donc c'est ça, c'est très important de trouver des alternatives et il y a déjà des alternatives, des autres gens qui étudient d'autres possibilités. Nous, on est des géologues et on étudie la géothermie. La géothermie, ça peut être une alternative intéressante et c'est ça ce qu'on fait. En fait, il y a aussi des coûts liés aux subventions qui sont données par le gouvernement. On pense que c'est 0,4 $ par litre du diesel acheté et 0,8 $ le kilowattheure d'électricité produite. Ah, ouais. Ah oui, ouais. C'est plus cher qu'ici, qu'ici au sud. Ouais. Donc, la méthode que vous avez développée, c'est la batterie thermique qui permet, comme je le disais en introduction, de capter l'énergie solaire, de l'emmagasiner dans la chaleur, d'emmagasiner la chaleur dans le sol. Donc, expliquez-nous le principe. Oui, ben, en fait, comme vous avez dit, c'est une batterie thermique. Donc, de la même façon des batteries électriques, on va charger cette batterie avec de l'énergie thermique et puis on va la décharger pour l'utiliser. Mais sauf que là, donc, la batterie en tant que telle, c'est le sol lui-même. C'est ça. En fait, on va utiliser le sous-sol comme batterie. Donc, on va produire une certaine partie de l'énergie, de cette énergie thermique, par exemple avec des panneaux solaires, et on va la transférer dans le sous-sol. Et charger la batterie dans ce sens, ça veut dire augmenter la température du sous-sol. Mm-hmm. Et décharger la batterie, ça veut dire diminuer la température du sous-sol pour reprendre cette énergie-là quand on en a besoin. D'accord. Donc là, j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux. On a des panneaux solaires sur le toit. Donc, ce n'est pas des panneaux solaires photovoltaïques. C'est des panneaux solaires... Thermiques, on les appelle. En fait, on a une serpentine avec un fluide qui circule. Et le soleil va chauffer cette eau-là. Et l'eau va être circulée dans des forages. Dans le sous-sol. Donc, d'accord. En fait, pour faire la batterie, on va faire des forages dans le sous-sol. On va installer des tuyaux en plastique où on peut faire circuler l'eau. Et de cette façon, on va transférer cette énergie dans le sous-sol pour augmenter la température. D'accord. Donc, l'eau chaude arrive, l'eau chauffée par le soleil arrive dans les tuyaux au sous-sol, chauffe le sol alentour. C'est ça. Donc là, c'est ça qui constitue la batterie. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De quelle façon est-ce que cette chaleur accumulée dans le sol peut servir à chauffer l'eau dans le bâtiment? Mais en fait, on pour faire le contraire, là, après. Ouais. On fait c'est un type de stockage, une batterie saisonnière. Donc, ça veut dire que quand on a la disponibilité de l'énergie solaire, donc pendant l'été, pendant la saison chaude, on transfère cette énergie dans le sous-sol. Donc, on va augmenter la température du sous-sol. Et pendant l'hiver, quand on a besoin de cette énergie-là, on va injecter un fluide de l'eau à une température plus faible de la température du sous-sol. Et de cette façon, on peut extraire cette énergie-là. Mm-hmm. Et on va l'utiliser pour n'importe quel besoin, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que l'eau... Le sol était plus chaud à la fin de, on va dire en début d'hiver, à l'automne. Oui. Là, le sol est plus chaud que l'eau qu'on va envoyer. C'est ça. Concrètement, en fait, on arrive à chauffer le sol à quelle température? On nous navigue, on parle d'une, bon, à Kujua, quand on a fait l'étude premièrement, c'est autour de 0 degré, un petit peu plus, 0,5, 1 degré. Donc, on va injecter cette énergie, on va augmenter la température du sous-sol jusqu'à 25, 30 degrés à peu près. Ah oui, donc ouais. À l'automne, là, le sol est chaud à 25, ouais. 30 degrés. C'est à peu près à 25, 30 degrés. Ouais. Impressionnant. Et pendant l'hiver, on va injecter une fluide en température même à 5 degrés, 10 degrés, et mm-hmm. cette fluide à cette température-là est capable d'extraire cette énergie-là et la transférer où on en a besoin. D'accord, donc le sol va se refroidir, à la fin de l'hiver, le sol sera... C'est ça, en fait c'est un système très équilibré parce qu'on chauffe le sous-sol, donc on arrive à 25-30 degrés et à la fin de l'hiver on va reporter cette température-là mm-hmm. à 5-6 degrés à peu près. Donc c'est quand même assez élégant comme système. Et puisque l'eau récupère la chaleur du sol, ça veut dire qu'on a besoin de moins de diesel ensuite pour chauffer cette eau-là, d'où les économies de diesel, économies monétaires. C'est ça. En fait, cette étude qu'on a fait, c'est pour la station de pompage de Kujuak. C'est la station de pompage qui donne l'eau au réseau potable. Le lac s'appelle le lac Stewart. C'est à 4-5 km du village. Donc, en fait, l'eau est pompée et avant d'être envoyée dans l'aqueduc, est chauffée avec le diesel, parce mm-hmm. qu'il faut éviter que ça gèle, surtout pendant l'hiver. Ouais. Donc, ce qu'on a pensé, c'est de dire, bon, on va produire une certaine quantité d'énergie solaire pendant l'été, on va la transférer dans le sous-sol, et puis on va reprendre cette énergie-là pour chauffer une partie de l'eau qui est ensuite envoyée dans l'aqueduct. Mm-hmm. Avec ça, on est capable de faire une certaine économie d'énergie, disons. Mm-hmm. Donc là, vous êtes allé dans le Nord, parce que le principe est un peu théorique, mais il faut le mettre en application, et j'imagine que ça nécessite de faire quelques études du sol, il y a peut-être pour mesurer un petit peu les propriétés thermiques du sol, savoir de quelle façon il peut accumuler la chaleur. Faut pas que ça se disperse, que cette chaleur se disperse trop loin non plus. C'est ça. Donc vous êtes allé là-haut et vous avez étudié le sol. Oui, ben en fait, comme j'ai dit avant, on est des géologues, donc ouais. On va sur le terrain, on fait on prend des échantillons de roc du sol, et ensuite on fait des analyses dans le laboratoire pour avoir une idée pour estimer les propriétés thermiques, en particulier notamment la conductivité thermique et la capacité thermique, qui nous donne une idée de comment et combien on peut transférer la chaleur et combien d'énergie on peut stocker dans les sous-sols, en fait. On fait même d'autres types de levées, comme par exemple des levées géophysiques, pour voir si on a du pergélisol riche en glace, par exemple, mm-hmm. dans le nord du Québec, dans le Nunavik. Ça, c'est un élément très important dans toute l'Arctique en général. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de savoir s'il y a du pergélisol ou pas, parce que c'est un élément important pour l'écosystème, en premier, donc on ne veut pas le dégrader. Mm-hmm. Et deuxièmement, c'est un élément très important d'un point de vue pratique pour la stabilité des bâtiments aussi. Donc, mm-hmm. il faut s'assurer d'être loin des bâtiments, premièrement, mm-hmm. et de pas le dégrader. Ouais. Oui, parce que si vous faites fondre sur le pergélisol qu'il y a des bâtiments au-dessus, font dégeler le pergélisol et qu'il y a des bâtiments au-dessus, ils vont s'effondrer. C'est ça, ça va être un problème. Ils vont déstabiliser, ouais, donc il faut prendre ça en compte. Donc vous avez évalué les propriétés thermiques du sol pour savoir combien de chaleur pouvait être stockée, de oui. quelle façon ça pouvait être restitué après à l'eau. Et de là, vous avez été capable de savoir, de modéliser peut-être combien d'économies d'énergie, le système apporterait? Oui, c'est ça. En fait, vous avez procédé? Disons, la deuxième étape de l'étude, c'est de faire des simulations, comme vous avez mm-hmm. dit, sont des simulations numériques. En fait, on construit des modèles qui sont des... c'est la définition, c'est comme un modèle simple de sous-sol, de ce qu'on a en réalité. Donc, selon les propriétés thermiques, les propriétés physiques, selon les conditions du climat aussi, on est vraiment capable de simuler ouais. le comportement du système dans une situation très proche à la situation réelle. Mmh. Nous, on était capable de faire des simulations sur 5 ans. Donc, en fait, on a simulé tout le système qui marche. Donc, 6 mois en été pour produire l'énergie et la stocker dans le sous-sol. Et les 6 mois hivernales pour reprendre cette énergie-là. On a fait une simulation sur 5 ans et ce qu'on a vu, c'est que on a fait plusieurs scénarios, parce qu'en fait c'est mm-hmm. ça qu'il faut faire, on ne peut pas être sûr de qu'est-ce qui se passe, on peut y approcher vraiment, mais c'est sûr que ce n'est pas la situation réelle. Et selon les scénarios, on a vu qu'on peut réduire du 50% la consommation du diesel pendant la saison hivernale. Pour cette fonction-là qui est de chauffer l'eau. L'eau, ouais. C'est ça, l'eau dans ce ouais. sens de du réseau potable. Ouais, ouais. Mais ouais. 50%, c'est quand même appréciable. Oui, oui, mmh. c'est très important. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça, maintenant, bon, il y a eu des études, il y a eu une simulation, mais maintenant, il reste à la construire. Est-ce que c'est la suite du travail? Ben, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. En fait, on cherche des subventions pour ça. C'est la partie la plus intéressante. En fait, oui, on a fait des simulations, on a démontré que ça peut bien marcher, que le potentiel est intéressant. Mais il faut le démontrer. Donc, il faut faire des projets de démonstration, faire des forages, voir comment ça marche et mm-hmm. si effectivement on est capable d'atteindre les économies d'énergie qu'on a étudiées jusqu'à maintenant, mm-hmm. qu'on a évolué jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Là, dans ce travail, vous avez appliqué le système au chauffage de l'eau domestique, mais est-ce qu'on peut envisager d'autres applications? Oui, mais en fait, tout ce que a besoin de l'énergie thermique, donc le chauffage des bâtiments en premier, mm-hmm. La production de l'eau domestique, comme vous avez dit. Une chose très importante que je vois, c'est par exemple le chauffage des serres agricoles dans le nord du Québec. Ça, oui. Oui, parce que dans le Nunavik, il y a certaines serres déjà en place. Mm-hmm. Les serres ne sont pas chauffées, donc en fait, l'utilisation y va de mai, disons, jusqu'à septembre à peu près. Mm-hmm. Et donc l'idée c'est d'utiliser ce type de stockage saisonnier aussi pour prolonger la saison la mm-hmm. saison de culture. En fait, il y a on travaille beaucoup avec l'équipe du professeur Didier Ayot à l'ETS de Montréal. Eux, ils ont mis en place en fait l'année passée un système de stockage à court terme, donc journalier disons, dans la serre à Coudjouac. Mm-hmm. Et l'idée c'est de travailler avec eux pour chercher de coupler ce système à court terme avec un système saisonnier dans le sous-sol pour prolonger mmh. la saison des cultures. Ce système à court terme repose aussi sur une boucle géothermique aussi? En fait, c'est un petit peu plus simple, c'est un petit peu plus superficiel. En fait, c'est, mmh. c'est vraiment dans la serre. En fait, ils ont comme enlevé le sol de plantation et ils ont mis des cailloux dans le, mmh. Disons, au-dessous du sol de plantation pour augmenter la masse thermique, en fait, pour en fait, prendre toute l'énergie thermique qu'il y a dans la serre pendant le jour, parce qu'en été, ça va chauffer beaucoup. Mmh. Donc, c'était pour réduire la différence entre la température qu'il y a dans le jour et la température qu'il y a dans la nuit. Donc, en fait, ils vont prendre l'énergie thermique qu'il y a dans l'air, ils vont l'injecter dans les cailloux mm-hmm. sous le sol de plantation. Et ça, c'est capable de équilibrer la température entre le jour et la nuit. Mm-hmm. C'est un beau projet également. Donc ça c'est un principe qui est vraiment intéressant autant sur le plan social qu'environnemental. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des exemples de batteries thermiques ailleurs dans le monde qui ont été appliquées, qui sont en fonction? Oui, ben en fait ça c'est un concept qui a été développé dans l'Europe du Nord, en Suède, en Norvège, mm-hmm. En Allemagne aussi, dans les années 80 déjà. Donc sont des systèmes qui ont été étudiés beaucoup. Et par exemple ici au Canada, à Okotox en Alberta, c'est proche de Calgary, en fait ils ont fait un système très similaire à ce qu'on a étudié. En fait on s'est inspiré à eux. Mm-hmm. Et là-bas il y a 50 maisons mm-hmm. résidentielles qui sont alimentés avec l'énergie thermique qui arrive du solaire. En fait, pendant l'été, ils chauffent l'eau, produisent cette énergie solaire, ils vont la injecter dans les sous-sols et puis ils vont reprendre cette énergie-là pour chauffer les bâtiments mm-hmm. et produire l'eau chaude sanitaire. Et on part d'une place que c'est quand même froide. Pendant l'hiver, on peut arriver à moins 30 quand même. Donc, ça marche bien. Donc, il faut seulement le déplacer dans le nord, en fait. Mm-hmm. Ce qu'on a fait, nous, c'est de démontrer que c'est un système qui peut marcher même dans des climats très froids. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'il y aurait un avantage à déployer un tel système, même ici, par exemple, sans monter dans le Grand Nord? Est-ce qu'il y aurait un avantage à déployer un tel système, même par ici? Absolument, oui. Peut-être des maisons qui sont difficilement connectables, reliables au réseau Hydro-Québec. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours très important d'avoir une possibilité de produire de l'énergie renouvelable. Donc, c'est vrai qu'ici, avec l'électricité d'Hydro-Québec, qui vient déjà d'une source mm-hmm. renouvelable, c'est un petit peu plus difficile, si on veut, mais quand même, c'est intéressant de faire mm-hmm. une chose comme ça, oui. Est-ce que ça demande un entretien à long terme? Est-ce qu'il y a besoin de renouveler, la tuyauterie ou même les panneaux qui sont sur le toit? Est-ce que ça demande, est-ce qu'ils doivent être renouvelés? Mais quand même, sur les panneaux solaires, il y a un certain entretien à faire, donc il faut penser à les remplacer à un certain moment. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on a pris en compte quand même quand on a fait des analyses économiques sur le système qu'on a pensé dans le Nord. Donc en fait, on a fait des comparaisons. Ce qu'on fait normalement, c'est de faire des comparaisons avec la situation motorisation actuelle avec le diesel, parce que quand même avec un système qui marche à diesel, ben, il faut penser de remplacer la fournaise au diesel chaque 10-15 ans, puis tout le coût de transport du diesel, comme on a dit avant. Et donc, ce sont toutes des choses qu'on a pris en compte pour faire une comparaison et voir c'est quoi effectivement l'avantage. Et pour le moment, le résultat, c'est que c'est quand même avantageux. Mais après, il y a quand même une question qui reste, parce que si on veut développer, étendre ce système-là pour l'eau chaude, pour chauffer les maisons, est-ce qu'on a assez de surface de toiture pour mettre tous les panneaux nécessaires? C'est quand même pas des gigantesques. Ouais, il n'y a pas trop de maisons, mais en fait, les panneaux solaires, on pourrait même penser de les mettre sur le sol. Ah, donc, c'est pas sur la surface, disons. Il y a de la place. Ouais, il y a quand même de la place. Très bien. Donc, quelle est la suite du projet? Ben, la suite du projet, pour le moment, on est en train d'étudier d'autres villages aussi. Ouais. On est actif à Wapmangoustou et Kujarapik. C'est le village du Nunavik le plus au sud. C'est sur la baie d'Hudson, de l'autre côté. Et là, c'est une communauté où il y a des Inuits et des Cris qui vivent dans le même village. Donc on étudie ça là aussi, et un système qui est proche du système de stockage sont les pompes à chaleur géothermiques. C'est notre technologie qui on part toujours de géothermie superficielle, donc pour la production du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, et même ça, c'est une technologie très très intéressante de ce point de vue. Et j'imagine que vous faites pas ces projets-là sans en parler aussi aux personnes concernées, aux Inuits. Comment est-ce qu'ils perçoivent cette technologie? Ils sont toujours très intéressés, je dirais. C'est sûr qu'un des problèmes qu'il faut tenir en compte, c'est que la vente du diesel et la gestion du diesel, c'est fait par les corporatives foncières. Donc, en fait, pour eux, c'est quand même une source de revenus. Donc, quand on dit qu'on veut faire qu'on veut produire de la chaleur, par exemple, avec des énergies renouvelables pour réduire la consommation de diesel, il faut l'expliquer dans la bonne façon pour dire que, pour démontrer qu'en fait c'est une solution importante pour eux, premièrement. Et donc il faut quand même penser à dire bon, on va quand même créer des postes de travail sur ça aussi. Parce que sinon on va enlever des postes de travail sur la partie du diesel. Comme quoi il y a aussi la partie humaine à considérer, il n'y a pas juste la partie technique. C'est ça. Mais en fait on travaille beaucoup avec les organismes gouvernementaux comme Kativik Regional Government, c'est l'organisme qui gère, disons, les structures au Nunavik, et des compagnies aussi, des compagnies comme Avatar, comme Nunatech, sont des compagnies inuites qui font des travaux dans le Nord, et ils peuvent nous aider à développer cette technologie, parce que notre défi, c'est le transfert technologique. Ce sont des technologies qui n'ont jamais été faites dans le Nord, et ce qu'on veut, c'est de démontrer que ça peut fonctionner, mais aussi qu'on peut donner une possibilité pour eux pour avoir d'autres revenus, comme je disais. En tout cas, l'installation d'une batterie thermique en climat aussi froid qu'au Nunavik, puisque ça s'est déjà fait dans des climats un petit peu moins froids, donc ce sera une première. Et quand ce sera fait, il faudra venir nous raconter la suite du projet. Nicolo. Bien sûr, oui. Alors, merci beaucoup, Nicolo, d'être venu en studio nous présenter cette passionnante découverte. Je rappelle que nous étions en compagnie de Nicolo Giordano, chercheur postdoctoral à l'INRS-ETE. Et je rappelle aussi que cette découverte de la batterie thermique est l'une des 10 découvertes de l'année de Québec Science. Alors, si vous voulez découvrir les autres, il suffit d'aller jeter un œil sur le site de Québec Science, et vous pourrez aussi voter pour celle que vous préférez. On va faire une petite pause musicale et autres sur CKRL 89.1, et au retour, on vous parle du diabète de type 1.